On rejoint à Gatineau Simon Gaudreau. Salut Simon. Salut Danny. Les Aigles de Robertval, vous êtes en tournoi. C'est quelle catégorie de tournoi? Quelle équipe qui est en tournoi du côté des Aigles? C'est notre équipe Benjamin, dans le fond. C'est un événement du RSEQ. Là, toutes les équipes Benjamin Division 1, Cadet Division 1 puis Juvenile Division 1 sont à Gatineau, Ottawa là, pour la fin de semaine. Fait que notre équipe Benjamin là, est ici aussi. Là. On parle de quasiment. Il n'y avait pas d'équipe, me semble, à Gatineau. C'est nouveau. Est-ce que je me trompe? Bon. Ils ont une équipe là, ils ont une équipe scolaire, ils ont toute la structure au complet, eux, là, autant de structure intégrée que scolaire, là, dans le fond, là, à Nicolas. OK. Comment ça a été? Gatineau, fait que sont dans la ligue depuis une couple d'années. Comment ça a été? Hier. Comment ça a été hier? Ben ça a été une grosse journée. On est parti à Robertval, il était 6h30 hier matin. Okay. Fait que dans le fond, la route, tout ça. J'avais hâte de voir comment que les jeunes allaient se comporter. Puis honnêtement, là, ils ont vraiment joué un bon match. Ils ont travaillé excessivement fort. On aurait pu sortir de la première période là, avec l'avance, mais on est revenu on tirait de l'arrière 1-0. On avait eu 3 échappées dans cette première période-là, puis on n'avait pas été capable d'acheter un filet. Donc, ça nous a fait mal au final, mais au niveau de l'effort, au niveau du travail, là, on voit vraiment une progression depuis 2-3 semaines là, avec cette équipe-là. Fait que j'ai hâte de voir aujourd'hui, là, ils ont pu se reposer. On a bien mangé ce matin. Là, on joue à 11h45 là, contre l'École Saint-Sacrement. OK. Dis-moi, il y a d'autres choses qui s'en viennent au niveau cadet et les autres équipes. Parle-moi des autres équipes. Dimanche là, on reprend l'action. Ben samedi notre Bantam 2B joue à Jonquière contre les Sags. Ensuite de ça le dimanche, bon, on a trois équipes en action. Notre Bantam 2B joue à Alma et puis notre cadet, notre juvénile joue programme double là, contre la polyvalente d'Arvida à Jonquière dans le fond. C'est ça. Puis on a un joueur là, Émile Pagé là, qui a été rappelé la semaine dernière par les élèves de Jonquière puis qui est rappelé là pour le match de samedi également. Quand un joueur de coupé ou de rappeler par les élites, Simon, ça veut dire que c'est le fun pour l'organisation, ça veut dire que l'équipe progresse? Ouais, ben tu sais, on fait ça pour les jeunes, c'est un peu le pourquoi du programme aussi. Hein, ouais. C'est un centre de développement au lac Saint-Jean, si on veut, puis quand on peut les amener dans un niveau supérieur, on le fait, puis notre objectif, c'est pas de freiner leur progression, puis tout ça, tu sais, on s'ajuste, puis on est content d'y voir rayonner. Puis de les voir progresser. Là. Fait que c'est ça. Fait que, c'est l'objectif du programme aussi. Ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Les autres équipes. Ailleurs, les autres équipes, on est en challenge à Gatineau. Donc notre Benjamin là, a perdu hier 4-1, là, un match, j'oserais dire serré là, quand même là, dans les circonstances. C'était 1-0 après une période. Puis on a manqué environ 4 échappées dans la première période. Donc, c'est sûr que on a vraiment aimé le niveau d'effort des joueurs. Ils ont vraiment travaillé fort. Ils progressent vraiment bien depuis 2-3 semaines. Au niveau des autres équipes, là, ben, le Bantam 2B joue samedi à Jonquière et puis à Alma dimanche. Et puis dimanche, ben, notre équipe cadet et juvénile joue à Arvida au Palais des Sports. OK. Les équipes au classement, ça se dit combien? C'est quand même intéressant? Le classement, tu sais, on a 5-6 matchs de jouer. Ouais, c'est sûr. Les fiches, c'est notre Benjamin a une victoire, 4 défaites. Notre cadet est à 3 victoires, 3 défaites. Notre juvénile, 3-4 victoires. Je veux dire, c'est serré. Ouais, tout le monde est dans le milieu de peloton. Là, t'es à une séquence de 2 matchs d'être premier, puis t'es à une séquence de 2 défaites d'être dernier. Fait que c'est serré partout. Puis, c'est aussi la progression au niveau de ça. T'sais, ces jeunes-là, ça fait un an qu'ils n'ont pas joué. Là, faut pas oublier ça. Ouais. Fait que, tu sais, faut venir à la base par rapport à nos systèmes, par rapport à notre cohésion d'équipe, puis tout ça. Puis, c'est bien correct. Les petits gars, ils aiment ça, ils trippent. T'sais, moi, je suis vraiment content avec ce qu'on a vécu l'année passée, de lui voir un sourire dans le visage, de travailler aussi fort pour pouvoir jouer. C'est super. OK, effectivement. On s'en reparle, Simon, la semaine prochaine. Bon, bon tournoi à Gatineau. Merci. Voilà, donc c'était le responsable du programme des Aigles de Robertval, Simon Gaudreau.